solide, on met les gaz, on pousse traitement le feu. La nuit je dors pas, je traîne tard, lunettes noires pour les yeux. J'ai de la zep là, mais qu'est-ce qu'ils ont, j'entends que parler d'eux. J'touche plus le Vespa, t'inquiète pas, tu vas me voir par les feux. Combien sur la taupe tu mets, combien sur le cheval tu mises. On veut devenir fortuné, trahis le gang, direct tu vires, hein. Los Poyos, ça pouquette, convivium, j'suis sur Paname. Y'a les chouveux pour guetter, tu sais que les boss ils sont pas là. J'ai le Glock, c'est qui fait le marque. Depuis que j'ai le buzz, ils prennent la pose comme Mike. Genre du blanc, tu le ressens pour le mic. Fais qu'elle provoque, je vais lui cacher son mic. Jamais. 280, ouais, ça va assez vite. Tout en illégal, y'a pas de limite. Allez, reste en chien, tu veux du sale, j'en mets dans l'album. Tu veux de la rime et tout, cherche pas plus loin, il est l'album. Je voulais jouer en prison plus petit, je fais un peu comme les Dalton. Ça change pas d'appétit, on t'appelait grec, c'est Ascom. Filon, filon, grave tard, tu vis ton grave cher. Filon, filon, grave tard, quand ça pète, t'es grave vert. Kilo, kilo, pactage, j'étais en place ou grave caisse. On a le sens du partage, qu'est-ce mon rôle, c'est quoi le jazz. La bécane a trop le mort, monte pas dessus mon petit pote. Tous les jours devant le bloc, on a vendu l'antidote. Agent ou bien bourré, les gros fers je pilote. Pas loin du panier, comme le meneur je pivote. Jaloux et traître, police grosse enquête. J'suis ma pète, bébé prends la tête. On aidera toujours ceux qu'on aime, on faut que là c'est secondaire. Se débrouiller c'est ce qu'on fait, on va déguster ce bon verre. On ramène la queue, trois pas de limite. Jamais. Valet que mon frère, les queues font ses billes. 280, ouais, ça va assez vite. Tout dans l'illégal, y'a pas de limite. Allez, reste en chien, tu veux du sale, je remets dans l'album.